la suite de la Zig, c'est avec la deuxième partie du mix de Claude Monet. La première a eu lieu hier. On vous laisse exactement où on vous a laissé hier. Avec la suite du mix jusqu'à 20h. C'était enregistré à l'Escape Concept jeudi dernier. Music remains on top. Sexy Live. Galaxy Live. Move up. Move up. Move up. Move up. Move up. Move up. Move up. Move up. Move up. Come on now. We'll be right back. Galaxy Live. I like to do it today. Things are different. Mama still dances. She still has a groove. And although the rhythm has changed, the spirit is the same. Soul lives on. James Brown. Yeah, my daddy gave me some as well. The cool side. I wanna talk about my mama. This is mama's food. Mama's food. Galaxy Live. Avec un instant le mix enregistré de Claude Monet. C'était jeudi dernier lors de l'anniversaire de Timothée Milton. Il y aura d'autres parties qui seront diffusées dans les prochaines semaines. Mais tout de suite.